Dossier 3. Livre page 42. Question A. 1. Nada, tu as changé ton pantalon et ta chemise pour aller jouer au tennis? Oui, j'ai mis mon short et mon t-shirt blanc. 2. J'ai acheté 2 tablettes de chocolat. 3. Quel beau schéma!